J'espère que tu as reconnu la machine. 2016, je suis chaud, je les achève. Je me mélange pas, qu'est-ce que tu t'imagines? J'ai toujours mon survêt et ma chaîne. Je suis jeune, tranquille, je fume le shit. Je suis ce mec qui croit plus en son horoscope. Je suis ce mec normal qui te fait un sort. En live sur Periscope. Je roule dans Marseille, dans les ruelles à 200. Désolé, je suis arrivé dans le game en contre-sens. J'aime ma vie, mamie, fais le sang. Je vais tout niquer cette année, ouais, j'ai le sang. Ils sont pleins de si, ils sont pleins de ça. Je veux remplir Bercy, ma team, ils attendent de ça. Like ma mule, MC Stop. Je fais mon sang en live de Periscope. Qui veut test, qui veut test, Jules the best. Tu me soutiens, merci. Trop grave du verset, tu le sens dans mes versets. Ouais, la guerre fait. J'ai tant c'est trop du cul, j'ai pas su se tromper les vieux et même les gosses. Fais le signe, je le fais la pause. Je rends pour les checks, j'ai pour ma cause. Je crois que j'ai changé à bétose. J'aimerais voir la vie en rose, rose. On se calcule plus, t'étais mon brother, brother. Tu m'ignores quand on se croise, croise. Pour moi, tu ne vaux plus grand chose, chose. Tu veux tout niquer, t'es pas le seul. Je vis la nuit, je dors quand y'a le sun. Je lève les vies, match pied sur la selle. J'ai trop la haine à la Vincent Cassel. Je représente tous les tchèques de Marseille. De Lyon jusqu'à Sarcelles. Une fois, il me donne les nonnerets qui m'harcèlent. Dis-leur que je marche seul avec mon flot de martien. Il me fait le voyeur avec ses mocassins. Il va se prendre un chassé dans le bassin. Les mecs lui sortent plein de baratins. Elle se respecte plus, elle fait la catin. Comment je vais vivre, j'y pense tous les matins. Je veux la santé, la belle vie pour chacun. Avec le sang, j'évade tout mon chagrin. Je suis dégoûté aux gens, ils ont pris mes empreintes. Dédicace à la team Djoulo. Like MC Stop, je fais mon sang en live de Periscope. Cool, ouais. Qui veut test, qui veut test, Djoulo the best. Like tu me soutiens, merci. Trop grave, j'ai versé, tu me sens dans mes versets. Quand tu seras plus bactère, tu vas te relever quand tu seras par terre. Je remercie le bon Dieu d'être là, je remercie ma mère. J'en ai bu de toutes les couleurs dans ce monde amer. Trop d'inspi, trop de dream, trop on n'y arrive pas. Trop de trim, j'aime les señoritas. En jogging, ouais le rap c'est vital. Je viens dream, ferme ta gueule tu déconnes. Là je ris pas, s'il te plaît la blonde à côté de moi. La grippe pas, elle est civile à côté, le feu ne le grille pas. Ça sent le feu c'est chaud mes frères, je m'agite pas. Lâche MC Stop, je fais mon sang live de Periscope. Qui veut test, qui veut test, Jules the best. Tu me soutiens, merci. Trop grave, j'ai versé, tu le sens dans mes versets. Ouais, la guerre, c'est. J'ai ça, c'est trop du cul, j'ai pas chaussé pour percer.